L'histoire naturelle de Pline, dont la première édition complète date seulement du milieu du XVe siècle, a été rééditée en 2013 par La Pléiade en version bilingue latin-français, répartie sur plus de 2000 pages. Pour les enregistrements qui suivent, je me suis servi de la sélection et des notes insérées ici ou là d'Hubert Zenacker, publiées en 1999. Cette histoire naturelle, qui a irrigué toute la pensée occidentale jusqu'à Astérix, comporte 36 livres, ou 37 avec la dédicace, dont je viens de vous présenter des extraits. Les livres 2 à 7 traitent de géographie, d'astronomie et d'anthropologie.